Le chef de la division de soutien fit part de sa découverte à Edwards, mais il ignore si celui-ci a rapporté l'affaire à ses supérieurs. Selon le chef de la division de soutien, lorsque cet incident eut lieu, nous étions déjà dedans jusqu'au cou. C'était un mois environ après l'arrivée de Giancana, mais avant que l'on remette à Rosselli les pilules de poison. Selon Mayou, le travail de Giancana consistait à trouver dans l'entourage de Castro quelqu'un qui pourrait se charger de l'exécution. Et pendant une assez longue période, Mayou rencontra d'ailleurs Giancana presque tous les jours. Bien que Mayou parle du rôle clé dévolu à Giancana, Rosselli prétend de son côté qu'aucun des Cubains prévus pour l'opération ne faisait partie des contacts de Giancana. Le rapport de l'inspecteur général contient un compte-rendu de conversations entre Bissell, Edwards et le directeur de la division des services techniques sur le moyen idéal d'empoisonner Castro. Certains faits portent à croire que c'est Giancana ou Rosselli qui a suggéré qu'on place une pilule de poison dans le verre de Castro afin de permettre à l'exécutant de s'en tirer. Rosselli, d'après le chef de la division de soutien, voulait un beau meurtre bien propre, sans risque de se retrouver dans un guet-apens. De préférence un poison qui ne laisserait aucune trace. Le chef de la division de soutien, toujours selon le rapport de l'inspecteur général, dit que la CIA avait d'abord pensé à un meurtre du genre règlement de compte de gangster dans lequel Castro serait abattu. Giancana, semble-t-il, s'opposa à l'idée, étant donné la difficulté d'embaucher quelqu'un pour une mission aussi dangereuse, et il suggéra le poison. Edwards rejeta le premier lot de pilules préparées par la division des services techniques parce qu'il était impossible de les dissoudre dans l'eau. Un second lot, qui contenait de la toxine botulique, fonctionna à merveille lors d'un essai sur des singes. Le chef de la division de soutien prit livraison des pilules probablement en février 1961. On l'assura qu'elles étaient absolument mortelles. Il les remit alors à Rosselli. Les dossiers montrent clairement qu'un Cubain a reçu les pilules pour les faire éventuellement passer à Cuba. Et ceci avant l'invasion de la baie des Cochons au milieu d'avril 1961. Cependant, les dossiers ne précisent pas exactement si une ou deux tentatives ont été faites à ce moment-là, ni la date du ou des voyages. Fin février ou début mars 1961, d'après le rapport de l'inspecteur général, Rosselli pouvait annoncer au chef de la division de soutien que les pilules se trouvaient entre les mains d'un haut fonctionnaire de l'entourage de Castro, qui avait sans doute reçu des pots de vin des syndicats des Jeux. Au bout de quelques semaines, le fonctionnaire retourna les pilules, peut-être parce que, avant de les recevoir, il avait été limogé et n'avait donc plus ses entrées chez Castro. Enfin, le rapport nous apprend qu'une autre tentative fut faite en avril 1961, cette fois avec l'aide d'un membre éminent du mouvement des Cubains en exil. Dans leur déposition, Rosselli et le chef de la division de soutien ont déclaré que le fonctionnaire cubain décrit par l'inspecteur général comme ayant effectué la première tentative a bel et bien fait partie du complot, et que s'il a manqué son coup, c'est parce qu'il a eu les jetons. Il n'y a eu cependant, affirme avec certitude Rosselli, qu'une seule tentative d'assassinat de Castro avant la baie des Cochons. Les témoignages du chef de la division de soutien et de Mayou ne nous éclairent pas là-dessus. En tout état de cause, Rosselli dit au chef de la division de soutien que Traficante croyait qu'un membre éminent de la communauté cubaine en exil serait en mesure d'exécuter l'assassinat. Le rapport de l'inspecteur général suggère que ce Cubain devait recevoir des fonds de Traficante et d'autres gangsters soucieux de récupérer, après la chute de Castro, le monopole des jeux, de la prostitution et de la drogue. Le rapport émet également l'hypothèse que le Cubain en question s'est intéressé au complot d'assassinat pour financer des achats d'armes et d'équipements de transmission. Le Cubain prétendait avoir un contact dans un restaurant fréquenté par Castro. En guise de préambule, il demandait une somme d'argent et de l'équipement de transmission pour une valeur d'au moins 1 000 $. Le chef de la division de soutien s'est souvenu que le colonel J.C. King, chef de la division Amérique latine, lui remit dans le bureau de Bissell 50 000 $ à donner au Cubain si celui-ci réussissait à assassiner Castro. Bissell l'autorisa également à remettre au Cubain l'équipement électronique qu'il réclamait. Le rapport de l'inspecteur général divise en deux phases l'intrusion du syndicat des Jeux dans l'opération. La première se termine avec la baie des cochons, et le début de la seconde coïncide avec l'arrivée dans l'affaire, à la fin de 1961, de William Harvey. Harvey possédait une longue expérience de l'action clandestine. Au moment où il assume la responsabilité du complot impliquant le syndicat des Jeux, il est déjà responsable d'un bon nombre d'opérations importantes. Il sera d'ailleurs bientôt nommé à la tête du groupe d'études W, qui agira au nom de la CIA dans toutes les tentatives de l'administration Kennedy pour déloger Castro. Établir une ligne de démarcation précise entre la phase 1 et la phase 2 relève sans doute d'une vue de l'esprit. Les preuves accumulées montrent bien que l'opération n'a jamais cessé d'exister. Tout au plus y eut-il mise en veilleuse juste après la baie des cochons. Au début de 1961, Harvey est chargé d'instituer à l'intérieur de la CIA un service capable de mettre hors d'état de nuire des politiciens étrangers et pouvant utiliser l'assassinat en dernier recours. Ce service s'appellera Action exécutive et sera ensuite désigné par le cryptonyme ZR Rifle. Selon Harvey, c'est au cours d'un entretien le 16 novembre 1961 que Bissell lui demanda de remplacer Edwards dans l'affaire de l'utilisation du syndicat des Jeux. Les deux hommes évoquèrent alors la possibilité d'appliquer à Cuba le programme ZR Rifle. Bissell ne nie pas que cet entretien ait eu lieu à la date mentionnée, mais il ajoute une précision. L'opération n'a pas été remise en branle. En d'autres termes, personne n'a demandé à Rosselli ou aux autres d'effectuer de nouvelles démarches avant mon départ de la CIA en février 1962. Harvey est d'accord. Bissell et lui n'ont fait qu'évoquer la fiabilité d'un engagement du syndicat des Jeux contre Castro. En février 1962, c'est Richard Helms qui remplace Bissell en tant que directeur des opérations. Il devient donc le supérieur de Harvey. Début avril 1962, agissant, selon son témoignage, sur des ordres formels de Helms, Harvey demande à Edwards de le mettre en rapport avec Rosselli. C'est le chef de la division de soutien qui présente, à Miami, Harvey à Rosselli. Harvey demande à Rosselli de garder le contact avec les Cubains, mais d'ignorer Mayhew ou Giancana, qu'il considère comme peu sûrs et de trop dans l'affaire. Au dire du chef de la division de soutien, Rosselli, au départ, ne faisait pas confiance à Harvey, bien que par la suite ils soient devenus des amis intimes. Une deuxième rencontre a lieu à New York entre Harvey, le chef de la division de soutien, et Rosselli, les 8 et 9 avril 1962. Une note dans les dossiers de la division des services techniques indique que, le 18 avril 1962, le chef de la division de soutien a reçu 4 pilules de poison. Il remet les pilules à Harvey, qui se rend à Miami le 21 avril. Rosselli est déjà en rapport avec ce même Cubain qui, avant la baie des cochons, s'était chargé de faire passer à Cuba les pilules. En les remettant à Rosselli, Harvey lui dit « Celles-là sont efficaces partout, en tout temps et dans n'importe quoi ». Lorsque Rosselli l'informe que les Cubains ont l'intention d'utiliser les pilules pour assassiner Che Guevara en même temps que Fidel et Raúl Castro, Harvey approuve et, selon Rosselli, répond « Très bien, c'est très bien ce qu'ils veulent faire ». Le Cubain exigea qu'on lui livre des armes et de l'équipement avant qu'il ne s'acquitte de sa tâche. Avec l'aide de la station de Miami de la CIA, JM Wave, qui s'occupait de mener contre Cuba, Harvey réussit à se procurer des explosifs, des détonateurs, des fusils, des pistolets, des appareils radio et un radar marin, le tout d'une valeur d'environ 5 000 $. Harvey et le chef de la station JM Wave louèrent un camion sans chauffeur sous une fausse identité et transportèrent la marchandise jusqu'à un terrain de stationnement. Là, ils remirent les clés à Rosselli, qui, avec le chef de la division de soutien, était posté de l'autre côté de la rue. La marchandise fut ramassée par le Cubain ou par un homme de Rosselli. Les armes, d'après Harvey, auraient pu servir à la tentative d'assassinat, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on les a remises aux Cubains. Rosselli continua d'informer Harvey de la marche de l'affaire. En mai 1962, il annonce l'arrivée à Cuba des armes et des pilules. Le 21 juin, Harvey apprend de lui que le Cubain a dépêché à Cuba une équipe de 3 hommes. Le rapport de l'inspecteur général parle d'une mission imprécise et estime que l'équipe avait l'intention soit de tuer Castro, soit de recruter des tueurs à gages, les pilules de poison pouvant servir si une occasion favorable se présentait. Harvey a rencontré Rosselli à Miami les 7 et 11 septembre 1962. Le Cubain s'apprêtait, semble-t-il, à envoyer à Cuba une seconde équipe de 3 hommes qui devait s'infiltrer dans la garde personnelle de Castro. Harvey a reçu l'assurance que les pilules, désignées alors comme les « médicaments », se trouvaient toujours en sécurité à Cuba. Harvey, dans son témoignage, avoue qu'il commençait à douter sérieusement que l'opération puisse jamais avoir lieu. Il aurait dit à Rosselli « Je suis convaincu que cette affaire-là n'aboutira jamais. Je crois qu'on ne devrait pas aller plus loin. » La deuxième équipe n'est jamais partie pour Cuba, parce que, selon leur dire, les conditions dans l'île ne s'y prêtaient pas.